Cabinet médical, bonjour. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Carcassonne. Je n'ai pas de place avant le 28, dans 15 jours. Ça ne fait rien. Vous préférez quand? Le matin ou l'après-midi? Ça m'est égal, je suis au chômage. Le 28, à 9h? Très bien. Vous êtes monsieur?